Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'original de la bande, le podcast qui vous fera entendre raison sur des musiques de films rares, mal considérées, parfois même détestées. Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Je suis Alexis, votre serviteur à toute heure, que vous écoutiez cette bande-annonce de jour comme de nuit. Vous avez déjà pu m'entendre dans d'autres podcasts, mais cette fois je me lance en solo pour une aventure qui me tenait vraiment à cœur. Il ne s'agit donc pas de suivre l'actualité ou de s'écouter en boucle les grands classiques archi-connus. L'original de la bande, c'est justement de vous faire découvrir certaines pépites, des compositeurs moins connus, et remettre en avant des musiques magnifiques imaginées pour des films moins extraordinaires. Ça c'est original, il faut le reconnaître. Rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode de l'original de la bande. À mon avis, vous allez vite vous enlacer.